t'aime, mais chanter tout le temps pour implorer le ciel ensemble en une seule et même église. Retrouver l'essentiel et faire que les silences se brisent. En haut des barricades, les pieds et poings liés, couvrant les fusillades, chanter sans s'arrêter. Quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Pour quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Santé, celui qui vient au monde l'aimer, ne lui apprendre que l'amour en ne formant qu'une même ronde. L'après-midi sur LRJ, après Florent Pagny chanter voilà Aladdin Morissette, Iron et qui a aussi Nicole une nouveauté, ce que j'éprouve, et là c'est Diana King, la la lies. Oh, why, oh, why, oh, why, you tell me la la la la la la la la lies. Never to think, to think, think, think that I would have really, really, really, really lies. Things you say, I will make you fade away. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Last night in a club, you and a girl, I do the rubber dub dub. Short dress and long curly hair. Don't deny, cause I saw you dear. Me did dead when you give her the light. Me did dead when you look so sincere. Me did dead when you hold her close and tell her everything that she want for you. Bye. the afternoon. You come around with the same old tune. Grinding on and on like say everything fine. When all the time you know I say a lie, you did a lie. Me did dead when you give her the kiss. Me two eyes as me witness. Give me my keys and exit please. Your day's done so you better move. Yeah. qu'on me brise. Pas besoin d'ennemis si tu n'es dans cette famille. Ce que j'éprouve sera plus fort que vous. Je veux ma vie, je veux ma vie. Les vôtres sont bien trop petits. Ce que j'éprouve, ce que j'éprouve, votre œil leur éprouve. Mais vous ne pouvez rien contre le feu. Ce que j'éprouve. Vous voulez ruiner la ferme, mais c'est inutile. Ça ne dépend plus de vous, car je m'en suis sortie. Je ne compte plus les maisons, de ne jamais plus voir cette maison. Il faut vous y faire, que je n'ai plus peur. Sur Énergie. C'est une nouveauté, elle est belle. Sa chanson s'appelle Ce que j'éprouve. Et attention, la musique est signée Quincy Jones. Vous savez qui c'est? Le producteur de Michael Jackson, bon sang. Bon, maintenant je vous mets entre les oreilles le passement de jambes de Doc Gineco, histoire de se rappeler que c'est bientôt la Coupe du Monde de football. Et puis, le futur tube de l'été, Alegria, c'est Rodrigo Bay, maintenant sur Énergie. Aujourd'hui, portes ouvertes Fiat. Venez chez Fiat, succursale de Genève, 106 rue de Lyon. Remplissez votre bulletin et gagnez une Fiat Seicento. Tirage au sort samedi, en fin d'après-midi. Les guides de la nuit viennent de paraître. Tout sur les nuits blanches de Genève et Lausanne avec Genève by Night. Lausanne by Night. Restauration, concerts, branchés, danse, bon marché, fermeture et restauration tardive, toute la nuit se découvre dans les guides de la nuit. Genève et Lausanne by Night, deux guides pour passer une très bonne nuit. Disponible en kiosque ou au 022 827 91 35. 827 91 35. Good evening, citizens of Earth. Énergie présente. Come on board. The beginning. Cognatou. Le 1er mai à l'ancien palais des expositions de Genève. Avec Quicksilver, Baseface Sacha, Dave Davis, Miss Yeti, Genlog, Welcome. Delta 9, Laurent O, Gizmo, Dano, Prophet, Buzzfuzz, Energy, Ralph, Dream et Snowman. The beginning of Cognatou. Prélocation, point de vente habituel. Planet Love.